Pandnamé, ou le livre des conseils de Ferid et Dinatar, par le baron Sylvestre de Sacy, édition de Bure, 1819. Traduction de la préface mise par l'éditeur à la tête du texte persan. Au nom de Dieu, grâce soit rendue au Dieu unique, éternel, digne d'honneur et de gloire, à qui appartiennent la grandeur et la louange, en qui la sagesse est unie à la toute-puissance, qui voit et entend tout, dont la force triomphe de toutes les résistances, être plein de libéralité et de clémence, saint par sa nature, et exempt dans ses attributs de toute imperfection. Par lui toutes choses ont été créées, et c'est de lui que tout ce qui est a reçu l'existence. Par sa seule puissance ont été réalisés tous les êtres possibles, et le moindre atome n'est point précipité des régions élevées de l'existence dans les profonds abîmes du néant, sans un décret de sa volonté. Sa science embrasse l'avenir comme le présent, et dans ses mains est le jour inévitable et terrible où seront jugées toutes les actions. Créateur unique, il a émaillé le parterre des sphères célestes, en y semant, comme tant de fleurs brillantes, les globes lumineux qui errent sur nos têtes, et les astres immobiles que la nuit nous révèle, et il a brillanté le ciel de nos parterres, en y répandant à pleine main, comme des étoiles scintillantes et des astres éclatants de lumière, les fleurs qui se développent sur la tige des plantes, et celles dont le calice s'épanouit sur les rameaux des arbres. Il a peuplé les régions de la terre et de l'air d'une multitude innombrable d'animaux sauvages et domestiques, d'oiseaux et d'insectes. Par son ordre, les eaux de la mer et des fleuves ont été sillonnées tour à tour par les énormes cétacés, immenses et gigantesques édifices, et par les vaisseaux, monstres marins sortis de la main de l'homme. Non content de tant de merveilles, il a distingué l'espèce humaine de toutes les autres œuvres de sa toute-puissance, en lui accordant la connaissance de sa divinité, et en lui prodiguant les richesses des sciences temporelles et spirituelles, et les trésors des doctrines politiques et littéraires. Il lui a comme révélé tout ce qui pouvait contribuer à son bien-être en ce monde, et assurer sa félicité dans l'autre. Aussi n'est-il aucune des nations qui forment la postérité d'Adam, et aucun des habitants des diverses régions de l'univers, quelque séparés qu'ils soient par les temps et par les lieux, comme par les croyances et les religions qu'ils professent, qui ne soit obligé à le remercier des bienfaits précieux dont il les a comblés, et des dons infinis et inestimables qu'il a versés sur eux avec profusion. Et pourrait-il méconnaître ce devoir, lorsque toutes les créatures, ouvrages de sa puissance et de sa divine majesté, le louent, soit par leur langage, soit par toutes leurs actions, ainsi qu'il est dit dans ce texte précis. Il n'est aucune chose qui ne lui témoigne sa reconnaissance en le louant. Voyez Coran, 17, 44. C'est ce qu'a exprimé un poète, dans les vers suivants. N'as-tu pas observé le zéphyr du matin, dont l'haleine exhale une odeur suave qui s'élève dans l'air? Tantôt il semble gémir, tantôt il prodigue l'arôme de ses parfums, comme fait celui qu'attriste la perte d'un ami ou que réjouit le bonheur de le retrouver. La nuit qui verse ses eaux avec murmure, le roucoulement du ramier, le son plaintif du rameau qu'agite le vent, les rayons lumineux de l'aurore, le calice de la marguerite, lorsque le nuage qui apporte le tonnerre et la foudre l'ébranle sur sa tige, le printemps regorgeant de richesses, et la rose, sa compagne, interprète de ses sentiments, la nature enfin qui s'éveille pour toi seule, et qui se dévoue tout entière, homme incrédule, à satisfaire tes besoins, célèbre ses bienfaits, confesse sa puissance, lui offre un tribut d'action de grâce, proclame ses louanges. Il n'est rien dans la nature où ne soit empreint un signe de son pouvoir, rien qui ne nous révèle le secret de son unité. Confère, William Jones. Personne n'a mieux exprimé les sentiments qui nous occupent que le Cheikh Ferid Eddin Attar, dans ses vers qui sont tirés du langage des oiseaux. Depuis le dos du poisson qui soutient l'univers jusqu'au globe de la lune, il n'est pas un atome qui ne rend témoignage à la vérité de son essence. La terre qui occupe les régions inférieures, et le ciel placé au faîte de l'univers, sont deux témoins de sa puissance, qui se prête un secours réciproque et surabondant. C'est lui qui produit le vent et la terre, le feu et le sang, il manifeste son existence mystérieuse par chacune de ses productions. En 40 jours, confère, Coran 55, 14. Il a pétri le limon dont il nous a formés, et ensuite il y a placé l'âme qui devait l'habiter. Après avoir ainsi vivifié le corps par la présence de l'âme, il lui a donné l'intelligence et l'a rendu capable de voir. Ce n'était pas assez pour lui d'avoir rendu l'homme clairvoyant, il lui a encore fait don de la science. Instruit par ce nouveau présent, le premier effet de ses connaissances a été de confesser et d'avouer son impuissance. Il s'est trouvé comme submergé dans un océan de stupeur et d'admiration, et il a commencé à mettre en œuvre ses organes corporels. Confère, l'invocation à Dieu in le langage des oiseaux. Après nous être ainsi acquittés du tribut de louange dû à la divinité, nous allons exposer l'objet de notre travail. Voici ce que dit l'auteur de cet écrit, le baron Sylvestre de Sacy, novice dans la voie de l'instruction qui mène à la connaissance de la vérité, le plus faible des serviteurs du Dieu de miséricorde, le plus petit entre les esclaves de celui dont les mortels implorent l'assistance, l'humble suppliant qui réclame des trésors cachés de la grâce divine, un guide pour diriger sa marche, et qui confesse avec un cœur humble et sincère, que la barque fragile de ses efforts et de ses faibles ressources ne saurait résister aux vagues de la mer des passions et aux tourbillons dévorants des faiblesses humaines, et ne peut espérer d'échapper au naufrage et d'entrer dans le port du salut. Que tant qu'elle sera favorisée du souffle propice de l'infinie bonté du Dieu indulgent, et des haleines salutaires de la protection divine du conservateur des êtres. Dès les premières années de l'adolescence, et dans un âge encore fort tendre, je n'ai éprouvé que de l'éloignement pour tout ce qui peut conduire à amasser les richesses périssables de la fortune, ou mener à la jouissance des plaisirs passagers de cette vie fugitive. Tous mes efforts, au contraire, ont été constamment dirigés vers l'acquisition des trésors impérissables de la science qui nourrit et fortifie l'âme, et je n'ai eu d'autre ambition que celle de m'assurer la possession des biens précieux et inestimables que procurent les talents et la culture des lettres. Comme je m'étais particulièrement dévoué à l'étude des langues arabes et persanes, je faisais mon occupation habituelle de la lecture des livres écrits dans ces deux langues, et j'y consacrais les jours et les nuits. Malgré le grand nombre de recueils et de traités particuliers que j'ai lus, et la diversité des écrits de tout genre dont j'ai pris connaissance, je puis assurer que je n'en ai point vu et qu'il ne m'en est tombé sous la main aucun qui renferme autant de préceptes utiles et d'avis remplis de sagesse, que le livre des conseils du Cheikh Ferid Eddin Attar. Je ne crains point d'affirmer que c'est un trésor de richesses de tout genre, et un dépôt inépuisable de fruits excellents et de médicaments d'un grand prix, ou plutôt, j'oserais dire que c'est un magnifique collier, Former des perles et des diamants les plus précieux du trésor des connaissances temporelles et spirituelles, et un écrin rempli des bijoux les plus rares et les plus charmants que puisse offrir l'étude des vérités théoriques et pratiques. Aussi quiconque veut jouir de toute la sécurité et de la paix qu'un mortel peut espérer en ce monde, et se mettre à l'abri des atteintes du chagrin et des regrets, et surtout quiconque désire s'assurer après la fin de cette vie, vapeur légère qui se dissipe et s'évanouit comme les illusions d'un songe, les faveurs royales du souverain de l'univers, et la clémence du maître qui efface par sa bonté les fautes de ses serviteurs, doit fermer l'oreille aux suggestions de l'ennemi irréconciliable de l'espèce humaine, pour ne l'ouvrir qu'au sage avis de ce respectable directeur, il faut que, prenant pour unique règle de sa conduite les conseils salutaires de ce moniteur plein de sincérité et de zèle, il ne se permette à aucune époque de sa vie de les mettre en oubli. Ces motifs m'avaient inspiré, il y a bien des années, le désir de faire imprimer le livre des conseils, afin que tous ceux qui aiment et cherchent la vérité, puissent s'en procurer facilement la possession, et que personne ne fût privé des avantages que doit produire la lecture d'un traité de morale d'un si grand prix. Mais jusqu'ici je n'ai pu réaliser ce projet, les tristes événements dont la France a été le théâtre pendant tant d'années, ont été un obstacle à son exécution. La guerre, et toutes les alarmes dont elle est accompagnée, ont régné sans interruption dans toutes les parties de la terre, et, pour me servir d'une expression de Saadi, on a vu le monde entier livré aux troubles, aux agitations, aux angoisses. Confère, préface du Gulistan, ou le parterre de fleurs. Mais, grâce à la providence céleste, elle s'est enfin réalisée à nos yeux, cette sentence, Dieu fera succéder la prospérité au malheur, Coran 65, 6. Celui qui a créé également le mouvement et le repos, celui qui, lorsqu'il a résolu une chose, se contente de lui dire, soit, elle est, Coran 3, 47, a inspiré d'autres pensées au maître des états et des peuples. Par sa volonté, ceux qui sont les colonnes du monde, ont conçu, d'un commun accord, le projet de soumettre les armées de la violence et de l'oppression, et de les mettre en fuite avec le glaive de la concorde et de la justice. Ils ont élevé et déployé dans toutes les provinces les drapeaux de la paix et de l'union. Dès ce moment, par les louables efforts et les sages dispositions de ces augustes monarques, de ces souverains équitables, protecteurs des lettres et des talents, on a vu, comme le dit encore Saadi, les tigres renonçaient à la férocité de leur espèce. Confère, préface du Gulistan. Je me suis souvenu alors qu'à chaque instant la mort peut nous surprendre, et que le soleil de nos jours peut se coucher à chaque moment, car, suivant Saadi, notre vie est comme de la neige exposée à un soleil d'été. Il nous reste à peine quelques instants, et nous nous berçons encore de vaines illusions. Ibidem, préface du Gulistan. Plein de cette pensée, j'ai cru ne devoir pas perdre un instant pour remplir l'engagement que j'avais pris avec moi-même, et l'obligation que je m'étais imposée, puisqu'aussi bien pour l'homme d'honneur, une promesse est une dette. Je dois prévenir les lecteurs que le texte du livre des conseils a éprouvé un assez grand nombre d'altérations et d'interpolations, par l'effet ordinaire du temps qui ne respecte rien et se joue de toutes les choses humaines. On trouve dans certains manuscrits des vers que d'autres manuscrits omettent, les divers exemplaires offrent aussi de nombreuses discordances, relativement au nombre des chapitres, et au vers où commence et finit chacun d'eux. Ayant eu à ma disposition cet exemplaire manuscrit de ce livre, je les ai comparés entre eux avec le plus grand soin, et, sans m'attacher à aucun d'eux exclusivement, j'ai choisi en chaque endroit la leçon qui m'a paru préférable, soit pour le sens, soit pour l'expression. J'avoue cependant qu'il est souvent bien difficile de s'assurer du texte primitif de l'auteur, et de le distinguer avec certitude des interpolations des copistes. Dans ce cas comme dans beaucoup d'autres, il faut reconnaître que la science certaine n'appartient qu'à Dieu, et en revenir à cette sentence du Coran. Lui seul prononcera un jugement certain sur tout ce qui faisait en cette vie l'objet des disputes des mortels, Coran 2, 113. S'il m'est échappé quelques méprises, j'espère que ceux qui liront ou entendront lire ce livre, seront assez généreux pour l'excuser. Dieu lui-même, comme dit encore le Coran, ne demande à chacun que de faire ce qu'il peut. Coran 2, 287. L'impression de ce livre a été entreprise et exécutée sous le règne du monarque qui est le refuge du monde, l'ombre du Créateur, le rayon de la bonté du Dieu qui conserve et entretient tous les êtres, sous l'empire de ce prince, dont le naturel excellent égale son illustre origine, qui voit le monde soumis à ses ordres, qui est l'élite du genre humain, de ce souverain dont le nom vivra à jamais dans la mémoire des hommes, et auquel le ciel a assuré les plus heureuses destinées, de ce sage qui fait régner la justice et la religion, prodige de science et de prudence, rival, en puissance et en sagesse, de Féridoun et de Salomon, dont tous les pas sont marqués par la générosité et les bienfaits, dont le trône est affermi sur les bases de la grandeur et des nobles sentiments, favori de la cour céleste, objet de la tendresse et des faveurs de l'arbitre suprême des destinées, architecte de l'édifice de la justice et de l'équité, fondateur des monuments durables de la sagesse et du bonheur public, souverain auguste et illustre, roi par qui la France est heureuse, élu du maître de l'univers, honneur de la maison de Bourbon, Louis XVIII, que son trône s'élève au-dessus des cieux. Vers, emprunté du Boustan de Saadi, je n'y ai fait que les changements nécessaires pour les appliquer à mon sujet. France, jouis, sous l'empire de ton auguste souverain, de tout le bonheur qui fut accordé à la Perse au jour de Nouchirevan. Fût-il jamais monarque plus zélé pour les intérêts de la religion et de la justice, que Louis, rejeton d'un sang illustre, le chef des nobles, la couronne des grands, la joie de la France, l'honneur de l'univers. Quel est le mortel qui désire trouver un abri contre l'injustice du sort? En vain il en chercherait un hors des provinces soumises au sceptre de Louis. Ses trésors, son trône, tout ce qu'il possède, générosité sans exemple, est un fonds consacré au secours de l'enfance, de la jeunesse et de l'âge avancé. Le malheureux n'approche point de lui, que la plaie de son cœur n'en reçoive un soulagement inespéré. Il ne cherche que l'occasion de faire le bien, et il espère en recevoir la récompense. Dieu puissant, daigne combler ses espérances. Élevé au fait de la grandeur, sa tête s'abaisse jusqu'à terre devant la majesté divine. Depuis que l'univers est sorti du néant, le monde n'a point vu un tel prodige de sagesse et de vertu. Sous son règne, on ne connaît aucune vexation, on n'entend aucun mortel se plaindre d'injustice ou de violence. Aucun temps n'a vu régner un tel système d'ordre et de régularité. Féridoun, avec toute sa majesté, n'a pas été témoin d'un si beau spectacle. L'appui que sa main royale prête aux faibles dénués de secours, est la source de la faveur dont il jouit auprès de la majesté divine. Par lui la justice étend son empire sur le monde, au point que l'on n'entend pas une femme usée par les ans se plaindre d'un rostam. On a toujours entendu les mortels accuser par leurs gémissements l'injustice du temps et les caprices du ciel, mais, sous le règne de Louis, il n'est personne qui se plaigne de la fortune. Mais comment peindre tant de grandeur et de vertu? Comment renfermer dans l'étroit espace de quelques pages un sujet si fécond? Puis-je me flatter d'exprimer dignement la reconnaissance due à tant de générosité? Mon unique ressource est d'élever les mains vers Dieu et de lui adresser mes vœux. Prince, puisse le ciel être propice à tes désirs, puisse le Créateur veiller sur tes jours, que l'astre de tes destinées, s'élevant de plus en plus dans la voûte céleste, illumine l'univers de son éclat, que celui de tes ennemis se consume et s'évanouisse. Note. Le mot signifie proprement cesser, mais, suivant l'auteur d'un commentaire turc sur le Boustan, dans le langage des astronomes, il signifie la combustion d'une étoile. Que jamais les révolutions de la fortune ne te donnent aucun sujet de tristesse, que jamais la poussière des soucis ne ternisse l'éclat du miroir de ton cœur, car le chagrin qui pèse sur le cœur des rois, altère le calme et la paix du monde entier. Puisse la tranquillité régner dans ton cœur, et la prospérité dans tes états, tout sujet de trouble et d'alarme être banni de tes provinces. Daigne l'assistance divine répandre la joie dans ton âme, combler de faveur le cœur du monarque, la religion et l'état, que la santé de ton corps soit inaltérable comme la sincérité de ta piété, que tes ennemis éprouvent dans leurs entreprises le trouble et le désordre qui règnent dans leur cœur. Le seul vœu qu'il convient de faire pour toi, c'est que l'auteur de tout être t'accorde de plus en plus le pouvoir de faire le bien. Daigne le Créateur verser sur toi ses miséricordes. Tout ce que je pourrais dire de plus ne serait que paroles vaines et inutiles. Je m'arrête ici. Vouloir prolonger cette préface, ce serait oublier l'avis des sages qui ont dit, garde-toi de l'abondance des paroles superflues. Elle ne ferait que mettre au grand jour tes défauts cachés, et réveiller la haine assoupie de tes ennemis. Je finirai donc par ce seul vers de Hafiz. Roi favorisé du ciel, daigne, je t'en conjure au nom de Dieu, accéder aux vœux que je forme, qu'il me soit permis, dans ton auguste palais, de baiser la poussière de tes pieds, rival de la sphère céleste. Ce vers fait partie de la 14e ode de Hafiz. Markemdanarchive.org 2021 d'après Gallica BNF FR et Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial partage à l'identique.